Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue à Econophile. Une bien curieuse de semaine, encore une fois. Une semaine teintée de, chez nous, d'accommodement plus ou moins raisonnable. Et puis, chez nos voisins du Sud, on a vu à l'œuvre, encore une fois, ce qui leur sert de président. Un conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui démissionne parce qu'il a menti sur ses conversations avec la Russie. Un candidat pour le secrétariat d'État au travail qui se retire, Andrew Posner. Et tant mieux parce que Posner, comme secrétaire d'État au travail, c'était comme confier l'office de la langue française à Dave Hilton, mettons, ou Emma Québec à Dracula. C'est aucun sens. T'sais, on confie pas un aquarium à un requin ou même l'environnement à un climato-sceptique. Quoique ça, ils vont le faire. Ou un pays à une mandarine. Mais bref, dure semaine pour Trump, qui s'est aussi pogné d'ailleurs live. Hein, il s'est fait prendre à mentir en direct. Il dit « Avec mes 306 délégués, j'ai eu la plus grosse victoire au collège électoral depuis Reagan », dit-il. Alors, un journaliste lui dit « Non, Obama a battu ça deux fois et Bush perd aussi ». Ce à quoi il répond « Ouais, mais tu sais, j'ai eu cette info, je vous l'ai donnée. » Alors, le journaliste lui répond « Mais comment vous faire confiance quand vous dites que les journalistes diffusent de fausses infos alors que vous donnez vous-même de fausses infos? » La réponse était succulente. Alors, Trump a le plus bas taux de satisfaction jamais enregistré pour un président après un mois, 56% d'insatisfaits, mais il y a encore 39% qui trouvent qu'il fait une bonne job. 39%. Alors, ça en dit long sur l'état intellectuel et moral de ce 39%. Mais bon, il reste 3 ans et 11 mois. Bienvenue à Econophile. Nous trouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Alors, allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, eh bien oui, il y a deux façons de le faire. D'abord, en savoir davantage sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, et c'est tout nouveau d'ailleurs, vous tapez le econophile.net. Facile à retenir, econophile.net, et vous y arrivez directement. C'est-il pas beau, ça? Donc, econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question si l'envie vous prend de mettre de côté votre tablette une couple d'heures. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi que la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Alors maintenant, c'est à nous. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Cette semaine donc, livre, ma foi, très très intéressant, « La mondialisation de la pauvreté » de Michel Chossudovski, paru pour la première fois en 1997. En tout cas, c'est l'édition que moi j'avais. Tu as lu celle de 2003. Oui, il y a eu quelques ajouts, je pense, quelques exemples que tu as apportés de plus, mais en gros, c'est les mêmes idées. Et Chossudovski, donc, qui est économiste, professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa, quoique je ne suis pas sûr, il n'est pas encore dans le personnel, il ne doit plus être peut-être actif à l'université, mais toujours directeur du Centre de recherche sur la mondialisation, sauf erreur. Donc, un livre qui date un peu, mais dont le sujet est éternel, en quelque part. Oui, peut-être qu'on pourrait dire malheureusement. Mais c'est un des intérêts d'ailleurs du livre parce qu'on pourrait dire, bon, dans le fond, il a été écrit il y a une quinzaine d'années, presque 20 ans maintenant, par ma mère édition, donc c'est un peu dépassé. Mais c'est vrai que les cas ont peut-être un peu changé. Les situations ne se présentent pas exactement de la même manière. Et le contexte mondial est un peu différent de celui qu'il était il y a 20 ans. Mais je pense qu'on peut retrouver des choses qui se ressemblent un peu quand même aujourd'hui ou dans le passé récent, par exemple les crises que l'Europe a connues là, il y a quelques années. Donc, on va parler de tout ça au cours de la prochaine heure. Donc, nous vous proposons de parler de pauvreté au cours de la prochaine heure et surtout de ceux qui sont censés s'en occuper, mais qui empirent bien souvent les choses au lieu de les améliorer. Et on vous dira pourquoi et comment. Donc, bonne émission. Donc, pour parler de pauvreté, j'ai envie de vous de mettre la table, en fait, avant d'aborder le livre de Chossudovski, de vous lire un article paru dans Le Devoir le 23 janvier dernier. Pourquoi? C'est parce que je ne sais pas si vous l'aviez lu. Moi, je l'ai lu et je ne l'ai pas oublié, en fait. Et ça permet, je trouve, de faire un pont entre l'émission de la semaine dernière et celle de cette semaine. La semaine dernière, on parlait des riches qui ne paient pas d'impôts. Là, on va parler de ceux qui en souffrent cette semaine. Donc, ça s'intitule « Devenir riche », écrit par Jean-François Nadeau. Ça va comme suit. Les patrons ne sont pas assez payés, on le sait. Ils ne le sont pas assez parce que, bien entendu, ils sont irremplaçables. En vertu de quoi ces grands patrons, tous si doués, devraient-ils accepter de travailler pour moins que quelques millions de dollars par année? Même une fois qu'ils sont partis, on continue pour cette raison de les payer comme s'ils venaient d'arriver. L'ex-patron de Volkswagen, viré à cause de la tricherie que l'on sait, touche désormais à titre de retraite la bagatelle de 4 400 $ par jour. En somme, ce n'est que justice si 8 hommes possèdent désormais autant de richesses à eux seuls que la moitié la plus pauvre de la planète. Voilà le fruit légitime de leur dur labeur. Chez nous, les deux milliardaires que sont le baron David Thompson et Gordon Weston cumulent à eux deux la richesse possédée par les 11 millions de Canadiens les plus pauvres. Repassez leur vite le gâteau, ils en prendront volontiers une autre part bien méritée. À compter du 1er mai, fête de tous les travailleurs qui suent et qui puent, le salaire minimum sera de 11,25 $, une augmentation de 50 sous. À raison de 40 heures de travail par semaine, cela donne la rondelette somme de 23 400 $ par année. Après combien de fois ce revenu annuel, celui d'un grand patron, devient-il indécent? 100 fois? 1000 fois? Il n'est jamais question de cela. Après tout, il est beaucoup plus simple de calculer qu'il faut blâmer les gens pauvres d'en vouloir plus. Il y a plus d'un siècle, au moment où l'on discutait de l'opportunité de limiter la semaine de travail à 40 heures, les grands patrons hurlaient déjà parce qu'on menaçait leur butin de captateurs de valeur. Les conséquences immédiates prévues de la semaine de 40 heures, selon une affiche patronale française de 1936, bien-être amoindri, prix de revient majoré, chômage, mévente, misère, vie plus chère. La peste et le choléra aussi, peut-être. Cette incapacité à imaginer la société autrement qu'avec de gros possédants à son sommet justifie aujourd'hui la déshumanisation qui préside au discours de l'austérité. À défaut de vouloir considérer les inégalités comme un problème collectif, tout est ramené à de simples questions de finances personnelles et de choix individuels. Ainsi, à l'école secondaire, on fait disparaître sans sourciller un cours consacré au monde contemporain pour le remplacer par un cours de finances personnelles. On en appelle à un redoublement de sobriété pour que chacun contrôle mieux son petit pécule financier afin de faire avaler l'idée que nos maigres économies finiront par travailler autant que l'argent des puissants. Critiquer la consommation des individus sans remettre en cause le système dans lequel ils s'inscrivent, c'est pourtant oublier de dire que la vitalité du pays repose encore et toujours sur les dépenses des ménages et leur endettement. C'est masquer que ce système préside à l'augmentation des disparités à un niveau encore jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Quand la vie en société exige un minimum de sobriété, cela va de soi, mais à se faire seriner que cette morale du bon petit épargnant en oubliant de parler des conditions du salariat et de celles de la finance internationale, à confondre ici le bas de laine avec l'économie de la planète, il ne restera bientôt plus qu'à applaudir béatement un milliardaire comme Guy Laliberté lorsqu'il osera se plaindre encore de payer trop de taxes à la ville de Longueuil. Oui, c'était 6 000 $ d'ailleurs. Reflet des effets recherchés par les puissants, la publicité nous chante une ode à l'accumulation. Auto, maison, voyage, champagne. Cette vie présentée en boucle que la réclame s'apparente en fait à une vaste loterie où tout le monde perd pour que quelques rares individus se donnent le droit d'ignorer le bonheur commun. Cette situation s'illustre à merveille dans le succès éclatant qu'obtient « En as-tu vraiment besoin ?» L'auteur de ce livre, le comptable Pierre-Yves McSween, annonçait la semaine dernière qu'il aurait désormais son émission de télé. Ah, pourrait-on se passer plus facilement de la morale que distille « En as-tu vraiment besoin ?» Si elle n'était pas un hochet qui fait sourire tout le monde marchand. On est loin ici de la simplicité volontaire que plaidait il y a quelques années le docteur Serge Mongeau. Pas question de s'engager dans la communauté pour la changer tout en refusant la cage dorée de la consommation, non. C'est plutôt une assaise de surface que propose McSween. Dans ce système qui les avale, les victimes continuent ainsi d'être appelées à se manger entre elles comme solution. Au fond, McSween ne propose de quitter la consommation qu'afin de mieux aduler cette idole chérie entre toutes, l'argent. Gratifiante symétrie de l'économie personnelle qui permet ainsi de voir l'argent économisé se transformer en davantage d'argent, puis une fois un certain seuil franchi, en un pouvoir sur autrui qui ne porte en soi aucune morale, aucun droit. Et voilà précisément la mécanique qui conduit notre monde à souffrir de plus en plus des écarts entre riches et pauvres. Ce modèle gonfle partout, tout juste racheté par un multimillionnaire, le magazine L'Actualité à la une de son numéro courant, ne trouve rien de mieux à faire que de continuer de beurrer du côté du nombril des petits épargnants. Devenir riche en 2017, des occasions à saisir, des pièges à éviter. Pourquoi ne pas plutôt se demander en vertu de quoi le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser? Alors oui, maintenant, on va parler du livre proprement parlé. Je trouvais que c'était quand même une introduction intéressante et cohérente avec les propos qui sont tenus. Jean-Claude, peut-être si on commence d'abord par le livre en tant que tel. Là, évidemment, j'aurais pu en lire un segment. Parlons du contenu. Oui, ça dépeint les années 90, c'est un fait. On vient de vivre à ce moment-là, il faut se rappeler, la fin de l'URSS. Le monde est bousculé beaucoup, le monde se redéfinit, mais ça reste un livre pertinent, parce que oui, le propos est dur. Ça sonne assez vrai dans une certaine mesure, je crois, surtout quand il déplore le fait que des pays qui fonctionnaient somme toute assez bien ont été appauvris par les mesures qui ont été imposées par le FMI et la Banque mondiale. Il y a beaucoup ça là-dedans. Là. Oui, et c'est un livre qui est un peu terrible dans un sens, en fait, qui est assez déprimant parce que il passe en revue avec beaucoup de crédibilité parce qu'il faut dire que Michel Sosudowski, je pense, a une expérience internationale sur ce terrain assez impressionnante. Il a effectué des missions, il a effectué des études dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de pays, on sait plus trop combien, mais je crois que ce sont ces expériences qu'il relate dans son livre. Ce sont beaucoup des pays qu'on dit du tiers-monde, des pays qu'on appelait encore à l'époque des pays du tiers-monde, des pays en voie de développement, mais également des pays plus développés, disons, moins du tiers-monde, des pays notamment de l'ex-bloc de l'Est, là, la Russie et quelques autres pays également, dont l'ex-Yougoslavie. Et donc, il relate l'expérience de ces pays-là et c'est un peu déprimant, comme tu le disais et comme je le disais aussi, dans le sens qu'on montre que ces pays vivent des pays fonctionnaient relativement bien. Il y avait quand même une économie qui était organisée, une société qui était organisée. Il y avait un tissu social, finalement, et économique. Ouais. Et pour des raisons qu'on pourrait expliquer à l'instant, dans quelques minutes, et par des interventions extérieures, ces économies ont été un peu déréglées finalement, et surtout les sociétés ont été déréglées, et on se ramasse finalement dans des situations où c'est pas sûr que ce soit mieux qu'auparavant. Parce qu'on fait un peu le tour, dans le fond, du remède de cheval, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est imposé, hein, c'est pas suggéré. Quand on débarque, on impose, on dit « si tu veux de l'argent, voici les conditions ». Donc, le FMI débarque, il y a Banque mondiale là-dedans, et ben ça fait en sorte qu'on transforme des économies comme agricoles, comme on disait, en d'autres choses. Il faut s'ouvrir à l'économie de marché et ça donne des résultats qui sont loin d'être probants. C'est ça. Ben en fait, oui, et peut-être moi, ce qui m'a un peu fasciné là-dedans, mais malheureusement, Choudoski n'est pas tout à fait explicite sur, l'origine de tout ça. Je pense le point d'origine, le cheval de Troie pour entrer dans ces économies-là, dans ces sociétés-là, c'est l'endettement. Il s'explique pas trop là-dessus. Ce qui donne le prétexte finalement aux interventions des pays occidentaux, et notamment de leurs institutions, le FMI, la Banque mondiale, les grandes banques, le prétexte, c'est que les pays sont pris à des difficultés. Soit que leur monnaie est sous pression, de la misère à maintenir le taux de change, et soit surtout que leur endettement est rendu maintenant très élevé. Ils ont de la misère à rembourser leurs dettes, de sorte que les gouvernements sont obligés d'accepter la médecine de cheval qu'on leur impose. Sinon, il n'y a plus de financement. Et plus de financement, ça veut dire de graves problèmes intérieurs et ça veut dire presque automatiquement le renversement politique. Et il donne des exemples sur ce que ça peut donner, c'est-à-dire que quand on transforme des économies et qu'on se met à, dans le fond, se concentrer beaucoup sur l'exportation, alors c'est ça qu'on comprend, on se concentre beaucoup sur l'exportation, on oublie ce qui se fait à l'interne, pendant ce temps-là, on cesse notamment de financer les services publics, et ça, en bonne partie, occasionne des problèmes de santé majeurs, on parle d'épidémies, de choses comme ça, je dis ça parce qu'il y a une conséquence concrète à ces choix-là. Oui, ben en fait, oui, tu donnes un exemple intéressant, mais je pense que oui, la mécanique, en fait, ce qui arrive, là, j'ai dit le point d'origine, c'est l'endettement. Ouais. On arrive, on dit, ben pour régler votre problème d'endettement, voici ce que vous allez faire. Vous allez réduire la taille de l'État. Mm-hmm. Vous allez congédier des fonctionnaires, vous allez vendre des fleurons nationaux, des grandes sociétés d'État, les plus rentables, évidemment, les seules qui sont pas rentables, on vous les laisse, ça ne nous intéresse pas tellement. Ah, ben oui. Vous coupez les retraites, vous déréglementez beaucoup de secteurs, vous permettez à des grands intérêts de s'approprier les terres pour prétendument pour les rendre plus productives. Peut-être un petit aparté là-dessus. Oui. Ce qui est arrivé au Mexique, notamment, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que le Mexique est devenu, bon, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans ces années-là, est devenu un importateur de maïs. Il faut quand même le faire. Oui. Le Mexique a inventé le maïs, littéralement. Ça vient de là. Mais grâce aux médecines de cheval qu'on lui a proposées, les paysans ont perdu leurs terres. Ça a été confié à des grandes sociétés, des grands conglomérats. On était rendu à une situation aberrante où le Mexique devait importer son maïs des États-Unis. Oui, bien, il y a d'autres pays dans le monde qui sont des producteurs de riz qui devaient, à un moment donné, importer du riz. Donc, on vit ce genre de situation-là qui, il l'appelle comme ça, c'est un nouveau colonialisme, dans le fond. C'est du colonialisme économique, c'est-à-dire qu'on débarque, qu'on prend contrôle, et même si vous avez un gouvernement, maintenant, les règles nouvelles du jeu, c'est plus les vôtres. Ben c'est un néocolonialisme notamment parce qu'effectivement ça ressemble beaucoup au colonialisme d'antan, celui le colonialisme de l'Angleterre ou de la France ou de l'Espagne ou du Portugal, dans le sens que sauf que maintenant ce sont des entreprises qui sont un peu les impériaux, les impérialistes dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'on ayant déréglementé la production des produits de base, des mines par exemple ou du maïs ou d'autres choses comme ça, les grandes multinationales peuvent s'approprier les ressources du pays à des prix extrêmement compétitifs, extrêmement intéressant pour elles, qu'elles revendent à l'étranger. Et donc, c'est la même mécanique, dans le fond, qui fait auparavant la France ou le Royaume-Uni pouvait s'approvisionner en coton ou en riz ou en d'autres denrées dans leurs colonies. Maintenant, ce sont des multinationales qui le font. Donc, on parle de ce remède de cheval-là. Encore là, il faut connaître de qui ça vient, parler du FMI et de la Banque mondiale et autres copains. Je propose qu'on fasse une petite pause, puis on en parle dans quelques instants. Faire la lecture d'un petit segment de ce livre pour donner une petite idée. Les disparités de revenus et de style de vie entre riches et pauvres ont atteint des niveaux sans précédent. Une famille de la classe moyenne d'une banlieue parisienne gagne plus de 100 fois ce que perçoit un foyer rural en Asie du Sud-Est. Un paysan philippin doit travailler pendant 2 ans pour obtenir ce qu'un avocat new-yorkais gagne en 1 heure. Les plans de stabilisation macroéconomique et les programmes d'ajustement structurel mis au point par le FMI représentent un puissant instrument de remodelage qui affecte la vie de centaines de millions de personnes. La mise en œuvre de la chirurgie économique du FMI a abouti à la compression des revenus réels et au renforcement d'un système exportateur reposant sur une main-d'œuvre bon marché. Le même mélange d'austérité budgétaire, d'ouverture des frontières et de privatisation appliquée dans plus de 100 pays endettés du tiers-monde et en Europe orientale. Ces pays perdent toute souveraineté économique et tout contrôle sur leur politique fiscale et monétaire. On en parlait tantôt. Une tutelle économique est mise en place. Une sorte de gouvernement parallèle ne rendant pas de compte à la société civile est constitué par les organisations financières internationales. Quant aux pays qui ne se conforment pas aux règles du FMI, ils sont placés sur une liste noire. La mise en application du programme d'ajustement structurel dans un grand nombre de pays endettés favorise la mondialisation de la politique macroéconomique placée sous le contrôle direct du FMI et de la Banque mondiale, qui œuvrent au nom des intérêts puissants. Ceux des clubs de Paris et de Londres et du G7. C'était G7 à l'époque. Cette nouvelle forme de domination, que l'on peut appeler colonialisme de marché, subordonne peuple et gouvernement au jeu anonyme et aux manipulations délibérées des forces de marché. Alors que les nations riches, soit environ 15% de la population, contrôlent près de 80% du revenu mondial, environ 56% de l'humanité vivent dans les pays dits à faible revenu et une masse de quelque 3 milliards d'êtres humains dispose de 4,9% du revenu total. Et ça, ça a changé en pire. La prospérité et l'économie consumériste moderne sont confinées dans les pays riches et dans de petites poches urbaines des pays pauvres. Cependant, la misère dans le tiers-monde, tout comme l'aggravation du chômage et des inégalités sociales en Europe occidentale et en Amérique du Nord, ne permettent pas la croissance de la demande globale. En somme, la thérapie économique ne fonctionne pas. En fait, on ne guérit pas le malade, on lui file le cancer. Ouais, ben, je pouvais difficilement mieux tomber sur le plan musical que la musique de House of Cards. Et c'était pas voulu, mais je l'apprécie particulièrement. Jean-Claude, parlons de ces personnages, justement, des acteurs très, très importants dans cette histoire-là. Commençons par le FMI, peut-être, qu'on a cité comme 10 fois depuis tantôt. Oui, ben, en fait, c'est le FMI, donc l'acronyme pour Fonds monétaire international. Ben, peut-être traiter les deux en même temps dans le fond de la Banque mondiale et surtout parler aussi de leur philosophie qu'on définit comme étant le consensus de Washington. J'aime beaucoup le mot consensus en deux personnes, en deux groupes, deux institutions. C'est plus facile. Consensus de deux groupes contre le reste de l'humanité, pratiquement. Donc, le FMI, Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout pour éviter de retomber dans ce qui avait précédé la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les grandes instabilité des monétaires, une crise financière, une crise économique, etc. Et au tout départ, le FMI était surtout pour éviter la reconstruction de pays comme, qui avaient été dévastés, comme la France ou le Japon. La Banque mondiale, elle s'était plutôt tournée vers les pays en voie de développement, donc favoriser leur croissance, favoriser l'amélioration de leur niveau de vie. Leur rôle est demeuré à peu près pareil pour la Banque mondiale depuis qu'elle a été créée. Le FMI, ça a évolué un peu parce qu'évidemment, le Japon ou la France ont moins besoin d'aide maintenant que d'autres pays. Et leur rôle le plus évolué, le FMI, son rôle est maintenant plus de la stabilité monétaire, c'est-à-dire, et surtout c'est ça qui est à l'origine du livre de Chozudovsky, quand un pays semble en voie d'avoir des difficultés à rembourser ses dettes, ben là, le FMI intervient et lui prête le montant qu'il faut pour rassurer les investisseurs, pour maintenir, dans le fond, pour éviter que le pays doive déclarer faillite, ce qui serait évidemment très dommageable pour ceux qui lui ont prêté. Donc, finalement, ça risque, sous le prétexte d'aider certains pays, le FMI est surtout là pour aider ceux qui ont prêté aux pays en question. C'est ça, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Exact. C'est aux institutions financières qu'on rend service et non pas tellement au gouvernement, à qui on va bien davantage attacher les mains. C'est-à-dire qu'on l'a mentionné un peu tantôt, le gouvernement a peut-être fait l'erreur, entre guillemets, de dépasser un petit peu sa marge de crédit. Il a peut-être un petit peu allé trop loin. Il se ramasse dans le trouble. Il veut éviter, évidemment, d'être renversé. Il veut éviter des troubles sociaux, des conflits intérieurs, d'être remplacé par une junte militaire. On a déjà vu ça dans certains endroits. Donc, il fait appel au FMI. Et là, il n'a pas le choix. Il est acculé au pied du mur. Il doit se plier aux conditions. Et la Banque mondiale fonctionne un peu de la même manière. Peut-être les cas sont un peu moins connus, mais quand elle prête à un pays pauvre, elle lui impose également des conditions semblables à celles du FMI. Ces conditions-là visent toujours à introduire, dans le fond, ce qu'on appelle autrement le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'on veut le plus possible que l'économie fonctionne sans l'ingérence de l'État, sans réglementation. C'est tutanant, l'État. Sans capital, sans grandes institutions publiques, disons. Alors, c'est toujours ça qui est un peu la recette. Et cette recette-là, si on a le temps de l'aborder brièvement, oui. Elle a été définie comme étant le consensus de Washington. C'est un drôle de nom, comme je mentionnais. Washington, c'est parce que les deux institutions, la Banque mondiale et le FMI, ont leur siège social à Washington, mais elles appliquent un consensus, dans le fond, des principes définis par l'école de Chicago, c'est-à-dire l'école de l'Université de Chicago, dont le représentant le plus connu est Milton Friedman. Donc, très pas à gauche. Très néolibéral. Et les recettes que, finalement, du consensus de Chicago, c'est des choses comme il faut déréglementer, il faut faciliter les échanges avec l'extérieur, donc abolir d'autres, les droits douaniers, par exemple, libéraliser les taux d'intérêt, se rattacher au dollar américain, en fait, toutes sortes de trucs, protéger la propriété privée. Oui. Finalement, c'est réduire le rôle d'État au maximum. Ça se résume à ça, finalement, les prescriptions, sous prétexte que l'État disparaissant, l'économie va se mettre à bien aller comme par enchantement. Et ça, donc, ça fait partie de ce segment qui est non négociable, c'est-à-dire qu'on impose ces mesures-là. Et ce que nous démontre bien dans ce livre-là, et aussi l'histoire tout court, c'est que ça empire les choses bien souvent, parce qu'on finit par avoir besoin par la suite d'argent pour rembourser la dette. Donc, on est endetté, on veut un coup de main, mais là, il faut de l'argent pour rembourser le coup de main qu'on nous a donné. Exactement. Donc, c'est comme un cercle vicieux, effectivement. Et on plonge, souvent, les pays, dans l'expérience récente de la Grèce a démontré, mais la Russie a passé par là également il y a une quinzaine d'années. C'est exactement, oui, on tourne un petit peu en rond. On apporte un remède qui ne fait qu'aggraver le mal, souvent. Et on parle notamment, il y a un des éléments qui m'avait marqué quand je l'ai lu, c'est la dévaluation. On dit, c'est important, il faut dévaluer. Toi qui es l'économiste, explique-moi l'utilité de ça. C'est quoi leur objectif derrière ça? Évidemment, ça marche pas, mais... Ben, dévaluation, moi, je pense qu'une des raisons que mentionne Chosudovski, il y en a peut-être d'autres, là, mais ça permet de rendre les produits du pays en question moins coûteux pour ceux qui importent. Donc, la multinationale qui veut s'approvisionner, disons, en minerais, en riz ou en minerais de fer ou en cacao ou peu importe, en bauxite, elle va payer moins cher les importations. En fait, ce qu'elle va acheter dans le pays, elle va payer moins cher parce que la main-d'œuvre est dévaluée. Moins cher aussi, donc. Mais elle va payer moins cher aussi parce qu'on a baissé les salaires souvent. Donc, il y a toutes sortes de raisons que l'économie est désorganisée, mais ça profite plus aux pays prêteurs, enfin, aux pays développés qu'au pays qui a dû dévaluer. Et l'argument là-dedans, c'est de dire, si on dévalue, tu vas être capable d'exporter davantage, tu vas faire de l'argent, sauf que c'est pas ça qui se passe. Ben, c'est-à-dire, oui, ça peut fonctionner un peu, mais sauf que souvent, ces pays-là sont confinés dans des productions un peu avec lesquelles ils sont en concurrence avec d'autres pays qui sont dans la même situation, de sorte qu'ils ne peuvent pas exiger de grands pays. Les denrées de base produites par l'Afrique, comme le cacao ou le café, par exemple, c'est des exemples patents, les prix n'augmentent pratiquement pas. Sauf quand il y a des très mauvaises récoltes qui affectent tous les pays producteurs, mais autrement, les prix restent à peu près les mêmes année après année, de sorte que le pays a beau dévoluer. Quand il dévalue, ça ne permet pas de vendre plus, ça permet juste aux Occidentaux d'acheter le café à meilleur prix. Ouais, Oui, alors c'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL avec David Lemelin au micro et à la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Nous vous présentons le livre, l'excellent livre « La mondialisation de la pauvreté » de Michel Chossudovski. Et je vais poursuivre la lecture quelques instants parce que ça concorde tout à fait. On parle de cette imposition de façon de faire de la part du FMI qu'on appelle l'ajustement structurel. Alors c'est le segment que je vais vous lire. L'ajustement structurel détruit l'économie nationale. L'ensemble des mesures provoque l'effondrement économique et social. Les mesures d'austérité conduisent à l'effondrement de l'État, l'économie nationale est remodelée et la production pour le marché intérieur est détruite par la compression du pouvoir d'achat. La solution préconisée par les institutions de Bretton Woods devient la cause d'un endettement accru. Les mesures de stabilisation du FMI sont en théorie destinées à aider les pays à restructurer leur économie en vue d'engendrer un surplus de leur balance commerciale, et ça on l'a bien expliqué tantôt, afin de leur permettre de rembourser la dette et de faire redémarrer le développement économique. En fait, l'ajustement contribue à faire augmenter la dette extérieure. Les nouveaux prêts à l'appui des réformes accordées afin de rembourser des anciennes dettes contribuent à augmenter le montant total de l'endettement. La libéralisation du commerce et la destruction concomitante de la production intérieure tendent à exacerber la crise de la balance des paiements, alors que la production intérieure est remplacée par des importations financées par les prêts et décaissements rapides. Selon les articles de l'OMC, une part beaucoup plus grande des importations sera désormais constituée de services comprenant des paiements de droits de la propriété intellectuelle sans aucune entrée de marchandises. Le programme d'ajustement structurel contribue au gel des investissements et des dépenses d'infrastructures dans tous les secteurs ne servant pas directement les intérêts de l'économie d'exportation. L'échec du programme d'ajustement structurel est incontestable. La thérapie proposée par le FMI détruit l'économie, disloque la société civile des pays endettés et entraîne le monde vers l'abîme. C'est quand on disait que c'était sombre. Elle est appliquée dans plus de 100 pays du tiers-monde, d'Europe orientale et dans les républiques nées de l'ancienne URSS. Les institutions de Washington admettent d'ailleurs qu'on ne peut citer aucun cas de succès brillant. En dépit de ces échecs, le FMI fait valoir que l'ajustement a tout de même réussi à éliminer les grands déséquilibres macroéconomiques. Selon son directeur général, le programme d'ajustement demeure encore le meilleur moyen d'améliorer le niveau de vie de la population. Aucune politique de rechange n'est proposée et depuis l'effondrement de l'URSS, le dogme néolibéral est plus que jamais proclamé. Donc Jean-Claude, maintenant, si on discutait de un petit peu plus actuel, on va se ramener à aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ont quand même changé, évolué, si on parlait notamment de l'attitude en quelque part de ces grands acteurs-là. Oui, il y a peut-être, oui, effectivement, il y a deux choses. Moi, on en parlera. Il y a des rapprochements, il y a des situations qui ressemblent un peu à celles décrites par Chossudovski, ce qui s'était passé il y a une vingtaine d'années. Mais pour continuer sur ce qu'on disait sur le FMI, la Banque mondiale, je crois qu'ils, eux-mêmes, tu le rappelais toi-même dans la lecture que tu viens de faire, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même échoué à certains égards, qu'il y avait des effets pervers de leur politique. Et maintenant, on adoucit un peu le discours. Moi, ce qui me frappe, c'est Madame Lagarde, Christine Lagarde, qui est présidente-directrice générale, dirigeante du FMI depuis quelques années, depuis 4 ou 5 ans maintenant. Elle tient constamment un discours qui est différent de celui qui est du FMI il y a 20 ans. C'est-à-dire, maintenant, on reconnaît que les gouvernements, l'État doit jouer un rôle, et notamment un rôle pour relancer l'économie. Donc, on a quitté un peu le discours de l'école de Chicago, moins il y a d'État, mieux c'est, pour admettre que les gouvernements ont peut-être des rôles à jouer pour restructurer l'économie et relancer finalement la croissance économique, notamment en investissant dans les infrastructures. Et on citait d'ailleurs aussi que la Banque mondiale a eu tendance à changer aussi, même dans ses pratiques, à favoriser du développement durable, ce qui est un langage qu'on n'entendait évidemment pas de nulle part de quiconque il y a quelques dizaines d'années, mais même la Banque mondiale, ça donne à ça aussi. C'est vrai, mais je t'avoue que là-dessus, je suis un petit peu sceptique. Ouais, ben, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être de la rhétorique un peu dans ça. Peut-être, mais pour avoir déjà vu des programmes, des micro-programmes qui avaient été été lancé, qui était supporté effectivement pour des micro-entreprises. On tend à essayer de favoriser ce genre de choses-là, mais c'est peut-être une façon de s'acheter des indulgences. Ben, en tout cas, oui. Puis, de toute façon, soyons pas mauvais joueurs. Même si c'est rien que de la rhétorique, c'est quand même déjà ça. Effectivement. Maintenant aussi, si on parle des cas, on se rapproche de nous, il y a moyen de citer des cas plus récents. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, c'est que je trouve que ça ressemblait étrangement à ce qu'a vécu l'Europe, puis vit encore jusqu'à un certain point l'Europe, notamment les pays méditerranéens. Ce qui est arrivé à la Grèce, puis à un degré peut-être pas aussi virulent, mais presque, à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal, c'est un peu le même scénario, finalement. C'est que ces pays s'étaient endettés avec la complicité puis l'accord des institutions financières, des agences de notation puis des Goldman Sachs de ce monde. Mais au moment où on a dit, quand les prêteurs ont commencé à être inquiets que la Grèce ne puisse pas rembourser ou que l'Italie ne puisse pas rembourser, la FMI est intervenue. Ils ont dit, bon, parfait, on va vous aider à rembourser vos dettes, mais vous allez accepter les conditions qu'on vous fixe et qui ressemblent étrangement aux conditions du consensus de Washington, c'est-à-dire vous allez couper les retraites du secteur public, vous allez congédier des fonctionnaires, vous allez accepter votre banque centrale ne pourra plus définir les taux d'intérêt, c'est nous qui allons les définir, vous allez privatiser certaines institutions, vous allez équilibrer votre budget, etc., etc. Ouais, et dans le cas de la Grèce, c'était vraiment pas joli parce que quand on lit même, ce qui est même frappant, c'est qu'on leur demandait de se départir de leur trésor, parce qu'il y a une chose en Grèce, c'est qu'il y a des trésors. On parlait, il y a les compagnies de l'eau d'Athènes et Thessalonique qui étaient des entreprises, tu disais tantôt, qui ne s'arrogent pas des choses qui ne fonctionnent pas. Non, effectivement, c'est des entreprises rentables, on est allé les chercher. On se débarrasser du patrimoine culturel, même des plages et le littoral du pays. Donc, on va loin, là. Exactement, oui. C'est, dans le fond, c'est ça qui arrive, c'est que moi, c'est sûr que ça a eu pour effet d'appauvrir des pays, on l'a mentionné tantôt, mais moi, ce qui me frappe davantage dans tout ça, c'est que ça brise les sociétés, ça brise le tissu social, le tissu économique. Quand on déracine les paysans, par exemple, ben, ces gens-là se retrouvent sans emploi, ils savent plus trop quoi faire, ça devient peut-être des migrants, finalement. Moi, je vois peut-être une source possible du phénomène migratoire qu'on vit depuis quelques années, fait que l'Europe vit davantage que nous, mais ça existe quand même en Amérique, les gens d'Amérique centrale d'Amérique du Sud veulent migrer vers le Nord. Je pense qu'il faut trouver... Il y a peut-être une partie de ce phénomène migratoire extrêmement important et extrêmement déstabilisant qu'on vit aujourd'hui qui est une conséquence de ces pratiques-là parce qu'on est... Dans le fond, des gens qui menaient une vie honnête, là, ils n'étaient peut-être pas très riches, mais ils vivaient de petites exploitations agricoles ou autres, des petites industries, puis ils retrouvent du jour au lendemain, sous prétexte de mondialisation, de consolidation de leur secteur, ils se retrouvent sans emploi. Donc, ils n'ont rien d'autre à faire devant. Ils n'ont pas d'autre perspective, finalement, que d'aller voir ailleurs s'ils ne pourraient pas mieux s'employer. Et c'est vraiment ce que réussit, d'ailleurs, à faire le livre de Chossudovski à cet égard-là, c'est de commencer à placer ces pistes-là pour qu'on comprenne des situations qui, aujourd'hui, finalement, tu me disais ça avant qu'on arrive en Onde, finalement, c'est pas Boko Haram. Hein? On est bien loin de ça dans les déplacements des peuples en Afrique. Là. Oui, c'est ça, effectivement. Je pense qu'il faut trouver peut-être une partie de l'explication du côté de ces médecines qui ont été appliquées en Afrique puis en Amérique latine et même en Asie. L'autre phénomène aussi qui est peut-être pas complètement séparé de ça, c'est le narcotrafic. Évidemment, ça a toujours existé. Ça date pas vraiment du livre de Chossudovski, mais présentement, notamment en Amérique latine, c'est très important. Je pense que, encore une fois, ça s'explique par le fait que des paysans qui menaient une vie honnête, qui faisaient un boulot honnête sur leur terre, qui ont perdu cette possibilité-là de gagner leur vie. Deux fois, puis en Afghanistan, c'est le cas. On le sait très bien. Les paysans n'ont pas d'autre choix, finalement, que de produire de l'héroïne ou du pavot, en fait, ou d'autres, ou de la coca ou des choses comme ça. Et le pays vit, beaucoup des pays présentement vivent, finalement, de l'exportation. De drogue, finalement, parce que c'est leur seule manière d'équilibrer un peu leur finances. D'ailleurs, on aborde aussi ces questions-là du fait que, par exemple, quand on se met à déréglementer et qu'on dit qu'il faut laisser le marché faire, ça va bien aller, il y a le secret bancaire qui revient et à ce moment-là, on dit que ça vient avec le retour du blanchiment d'argent, ce genre de situation-là aussi. Oui, ça fait un lien avec l'émission de la semaine passée. Oui, il y a ce phénomène-là aussi. J'aimerais mentionner une autre chose, une autre conséquence lointaine qui, moi, me frappe beaucoup. Chodorowski l'aborde dans son édition 2003. Comme tu mentionnais tantôt, moi, j'ai lu 2003, toi, de 97, mais en gros, le message est le même. Dans 2003, il mentionnait, par exemple, qu'au Congo, la guerre au Congo était un peu lancée par des compagnies américaines minières qui voulaient s'approprier les mines de cobalt à la frontière avec le Rwanda. Et il mentionnait que ça avait généré en 2003 2 millions de morts. Cette guerre existe encore 15 ans après, en 2017, et maintenant on atteint bientôt 6 millions de morts. Le conflit n'est pas encore terminé. Peut-être que Chodorowski tourne les croyants un petit peu, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de ce secteur-là, de ce pays-là, loin de là. Mais s'il a raison, c'est quand même dramatique. À cause de l'action, de la rapacité de certaines compagnies minières, on alimente des tensions entre des ethnies dans ces pays-là. Et ces tensions se transforment en guerre civile meurtrière qui dure encore après 20 ans. Oui, et ils se vendent l'arme aussi au travers de tout ça. Faire le lien avec nos émissions. Oui, tout à fait, effectivement. Et peut-être en conclusion, est-ce que au regard de tout ça, on peut au moins se dire qu'on apprend un peu ou on a tendance à répéter les mêmes erreurs? Parce qu'on a parlé du FMI qui change un peu. Il a arrêté de dire que l'austérité, c'est une formule magique. La Banque mondiale a peut-être changé un peu, mais est-ce qu'on apprend? Je ne pense pas qu'on apprend parce qu'on ne connaît pas assez l'histoire. Puis il faut dire aussi que il faut s'apprendre encore une fois peut-être une espèce de conscience mondiale, en tout cas une organisation mondiale qui tienne tête à ces grands pouvoirs économiques. Mais présentement, on ne peut pas voir le début de cette solution. Puis enfin, ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est qu'on ne fait pas que parler du monde entier. On est dans le monde entier, hein, donc on va aussi aborder questions québécoises. Et disons que 20 ans plus tard, ça prend il y a beaucoup d'intérêt à lire. Je vous lis un segment qui concerne spécifiquement le Québec, et on pourra en parler un petit peu après. En acceptant l'objectif du déficit zéro, les citoyens donnent leur consentement à la dérogation au projet de société. Ils acceptent également que les créanciers de l'État exercent une souveraineté de facto, un droit de regard sur la politique économique et sociale. Les milieux d'affaires de Wall Street sont d'ailleurs souvent consultés avant le dépôt du budget à l'Assemblée nationale. Je sais pas si vous saviez ça, mais... Les fonctionnaires du ministère des Finances font la navette entre Québec et New York. Les tractations entre politiciens et créanciers sont rarement rendues publiques. M. Lucien Bouchard, pourtant sensible aux questions de transparence, n'a pas jugé nécessaire de révéler les résultats de ses entretiens concernant les dettes du Québec avec les représentants d'institutions financières new-yorkaises tenues à huis clos en juin 1996. Solution de rechange. Il s'agit de réfuter cette logique implacable des mises à pied et des compressions. Il faut refuser la loi sur l'élimination du déficit et l'équilibre budgétaire. Les citoyens doivent rejeter avec fermeté ce modèle économique destructeur, orienté inexorablement vers la compression du niveau de vie. L'objectif du déficit zéro ne résout absolument rien. Il contribue à exacerber la crise des finances publiques, l'assiette fiscale de l'État s'affaisse, le déficit zéro devient la cause de cette crise et non pas la solution. Jean-Claude? Juste un petit commentaire. C'est difficile d'ajouter à ça, que ça me paraît extrêmement juste, ce que tu viens de lire. Mais moi, ce qui me trouve, j'allais dire amusant, mais ça ne l'est pas vraiment, c'est qu'il revient souvent. Les idées du consensus de Washington se sont un peu percolées dans la société, puis dans certaines franges de la société québécoise, certains groupes de la société québécoise. Puis j'allais dire presque amusant, c'est qu'il y a toujours cette idée qui revient de privatiser Hydro-Québec ou de privatiser la Société des alcools du Québec. Ça ressemble beaucoup au traitement infligé aux pays endettés. On le mentionnait tantôt, le consensus de Washington se traduit souvent par, entre autres choses, par on demande aux pays de liquider leurs dettes, dans le fond, en vendant leurs fleurons nationaux, en vendant les grands actifs, les grandes sociétés d'État qu'ils possèdent, pour rembourser leurs dettes. Et ça, ce discours revient au Québec après tous les 2-3 ans, toujours un groupe de droite qui va dire, ah, ben, Hydro-Québec, ça vaut 50 milliards, peut-être qu'on pourrait la vendre au moins en partie pour rembourser nos dettes. Donc, ce discours-là s'est rendu au Québec, peut-être avec des conséquences moins dramatiques, heureusement, que dans des pays d'Afrique, mais c'est un peu la même philosophie qui est derrière tout ça. Mais c'est d'autant plus étonnant parce que ça revienne sporadiquement comme ça, et c'est cyclique, là, effectivement, dépendamment de l'allure de l'économie. Et pourtant, on sait, de manière empirique, là, c'est vérifié, on le sait que c'est pas une bonne idée, là. C'est parce qu'on se prive, dans le fond, d'une source de revenus. Peut-être, oui, c'est vrai que si on vend Hydro-Québec, peut-être qu'on peut rembourser 50 milliards de nos dettes. C'est bien extraordinaire. Sauf qu'on vient de se priver de dividendes annuels de 3, 4, 5 milliards. C'est un trou dans le budget qu'on vient de se créer qui va durer jusqu'à la fin des temps, là. Pour rembourser la dette, qui est une opération ponctuelle qui arrive à un moment donné dans le temps, on se prive de revenus jusqu'à la fin des temps. C'est pas très brillant comme démarche, il me semble. Et dans le fond, en reprenant ce livre-là, parce qu'on parle de ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais aussi, je trouvais ça intéressant quand même qu'on insiste sur le fait que notre économie est tout aussi dépendante, dans le fond, des agences, des cotes, des impressions qu'on aura du point de vue financier. On n'est peut-être pas aussi colonisé, mais jusqu'à quel point? Bien, peut-être là-dessus, David, je te suggérerais d'attendre la semaine prochaine parce qu'on va justement parler de ça la semaine prochaine sur la manière de fonctionner de Wall Street, qui a vraiment rien de rassurant, contrairement à ce qu'on pourrait passer. Mais c'est effectivement à Wall Street qu'on retrouve des agences comme Standard & Poor's ou Moody's qui ont un rôle, en fait, démesuré. On aurait pu en parler tantôt en parlant de la Grèce. C'est eux qui ont, dans le fond, qui sont un peu à l'origine des problèmes vécus par la Grèce. Excellent, je vais être patient. Oui, on va vous parler du livre de Serge Truffaut la semaine prochaine, mais pour l'instant, on va revenir avec l'actualité dans quelques instants. Alors maintenant, pour parler un peu d'actualité, Jean-Claude, on va commencer par chiffre de la semaine, chiffre qui est tout à fait en lien avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les dettes publiques. Oui, en fait, on parle de chiffres, mais arrêtez, ce sont des classements que je présente. Et oui, c'est en lien avec, l'endettement des pays aujourd'hui. En 2013, plus précisément, ce sont les derniers chiffres, les chiffres les plus récents. Et il y a deux choses que j'aimerais mentionner. D'abord, la dette publique, c'est ce que les gouvernements doivent. Et c'est une dette publique extérieure. Ils doivent à des intérêts étrangers, pas des obligations qu'ils ont vendues aux citoyens du pays. Le pays le plus endetté, en 2013, en tout cas, c'était le Zimbabwe, dont on a parlé, pense, il y a 2 semaines. Oui, pour dire une inflation. Il y a pas une cohérence, c'est-à-dire pour payer ses dettes, le gouvernement imposait des surcharges, des surtaxes énormes sur des denrées de base comme le pain, le lait, le riz, etc. Oui. Alors, le Zimbabwe est le pays le plus endetté, c'est 337% de son GDP, son produit intérieur brut. Oui. Donc, si on compare ça au Québec, le Québec, je pense, c'est de l'ordre de 50%, puis on est bien malheureux. On serait d'autant plus malheureux au Zimbabwe. Je ne les mentionne pas parce que ce serait trop long, mais à peu près les 20 pays les plus endettés, ce sont tous des pays du tiers-monde et quelques ex-pays du bloc soviétique, du bloc communiste. Je vais juste contraster ça brièvement avec une autre donnée qui n'est pas les endettements, c'est l'endettement privé. Et là, curieusement, on retrouve tous des pays développés. Les dettes publiques, c'est dans les pays du tiers-monde que c'est le plus dramatique. Les dettes privées, ce sont dans les pays développés. Et Moi, ça m'a beaucoup surpris. Le pays le plus endetté hein, au niveau de l'endettement personnel, l'endettement des ménages, c'est le Danemark, qui est le pays le plus heureux au monde. Ouais. Donc, est-ce avoir des dettes, c'est bon. Ça fait du bien. Ça rend heureux. Tiens, ma chérie, un beau cadeau pour toi. Ça va tellement aller mieux. Et le Canada apparaît d'ailleurs parmi ces pays-là, évidemment. Donc, merci pour ces chiffres-là. Maintenant, parlant de chiffres dans l'actualité, une chose qui retenait l'attention, les usines accélèrent la production. Donc, mine de rien, il y a assurément des gains de productivité dans le secteur manufacturier. La production en usine a repris de plus belle en fin d'année au Canada avec une hausse de 2,3 % en décembre, soit autant qu'en novembre. Le Québec contribue particulièrement à cet essor avec un bond de 4,1 % qui fait suite à un autre 4 % en novembre. Donc, ça continue. Et ce qui est intéressant, ces deux derniers mois font aussi en sorte que la croissance annuelle de l'industrie manufacturière québécoise est désormais plus rapide que celle de la moyenne canadienne, 5,7 contre 4,1. Et l'augmentation annuelle de l'Ontario est de 2 %. Seule la Nouvelle-Écosse enregistre une baisse. Donc, il y a des choses qui se passent. Et on fait aussi mention, d'ailleurs, dans l'article que... Pourtant, l'effectif en usine a diminué de quelque 53 000 personnes d'un océan à l'autre, alors qu'il a peu varié au Québec. Il y a forcément eu robotisation et optimisation de la production pour arriver à pareil résultat. Tu n'es probablement pas surpris du tout. Bien, c'est-à-dire, c'est une... Moi, je suis surpris parce que ça fait des années qu'on parle des problèmes de productivité au Canada et là, ça semble être en voie de se résorber. En tout cas, si on se fie aux derniers mois, et ça fait plusieurs années qu'on se plaint aussi du déclin de l'industrie manufacturière. Alors, on se rend compte que ça avait d'augmenter. C'est probablement à cause de la baisse du taux de change canadien qui est survenu il y a 2 ou 3 ans et là, les effets commencent à se manifester. Mais t'es pas surpris, je parlais de l'élément robotisation parce que on est rendu là beaucoup. Oui, bien, c'est-à-dire, puis là, moi, oui, c'est sûrement la robotisation, je pense que c'est exact. Dans le reste du Canada, en tout cas, parce qu'au Québec, les emplois sont demeurés stationnaires. Mais moi, je suis content qu'on ait deux bonnes nouvelles dessus. La semaine passée, on a souligné que le taux de chômage était quand même relativement bas au Québec. Et maintenant, c'est la production manufacturière qui reprend. Donc, deux bonnes raisons de se consoler. Mais est-ce que c'est une tendance qui peut se poursuivre encore? Parce que ça me rappelle vraiment, ça me ramène au discours de Trump, évidemment, qui veut relocaliser, parce que comme si l'industrie manufacturière était une vraie bonne solution. C'est structurant, certes, ça peut se permettre bien des choses, mais sur l'aspect compétition, il y a quand même il y a des choses à considérer là-dedans. Bien, ça pourrait se poursuivre dans la mesure où c'est un effet du taux de change, ça c'est possible, donc qui commencera à se manifester, puis c'est un effet peut-être de la robotisation. Par contre, tu viens de mentionner Trump, là il y a une grande inquiétude présentement au Canada et ailleurs dans le monde, peut-être les politiques protectionnistes de M. Trump auront peut-être pour effet de couper un peu cet élan qui semble s'amorcer. Dans ce contexte-là, on apprenait aussi que le Parlement européen était d'accord avec l'idée de la CETA, hein, donc de faire du libre-échange, ils sont ouverts à ça. Est-ce que ça peut être une avenue intéressante, une opportunité? Moi, je pense que le CETA là, ou l'accord, la ECG en français, même les Français préfèrent CETA parce que ça se prononce mieux. Moi, je pense que c'est surtout psychologique parce que c'est à peu près la seule nouvelle à l'actualité qui va à l'encontre du mouvement isolationniste et protectionniste qui est à peu près présent partout dans le monde. Mais je pense qu'objectivement, à valeur absolue, c'est pas un accord qui aura un impact énorme parce que le commerce entre l'Europe et le Canada est quand même pas très, très important encore, comparativement au commerce qu'on peut avoir avec les États-Unis ou même avec des pays asiatiques. Mais est-ce que si les Américains se montrent plus frileux, on peut quand même se tourner vers les Européens, non? Oui, c'est les milieux d'affaires québécois et canadiens, c'est ce qu'ils disent. Puis avec raison, je pense, c'est que ça permet au moins d'avoir une espèce de porte de sortie, une solution de rechange, là, si ça devient trop difficile avec les États-Unis. Mais encore une fois, je doute que la tendance de l'économie mondiale maintenant est du côté du Pacifique. Les liens avec l'Atlantique, l'Atlantique Nord et donc avec l'Europe, c'est l'histoire ancienne. C'est encore important, mais c'est pas vraiment en développement. Et est-ce que tu crois que Trump, de toute façon, pourra tenir la ligne très longtemps sur son protectionnisme, entre guillemets? Bien, il y a beaucoup de gens qui en doutent. Je suis pas le seul, là, parce que probablement que les intérêts commerciaux à l'intérieur vont lui faire pression. Il y a beaucoup de lobbies. Il y a énormément de lobbies à Washington. Il n'y a pas juste la FMI et la Banque mondiale. Donc, ils vont sûrement essayer de le ramener à la raison. Mais peut-on ramener Trump à la raison? C'est une très bonne question. Je passe chaque semaine à dire que c'est pas possible. Je serais mal placé pour t'obstiner. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Merci. Alors oui, la mondialisation de la pauvreté de Michel Chossudovski, ça date un peu effectivement, mais c'est surtout une excellente démonstration du colonialisme économique et de ses tentacules très trop puissantes. Et ça confirme ce que vous pensez, ça n'a pas tout à fait de sens. Alors c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup Jean-Claude, très apprécié. Merci David. Et l'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Vous allez faire un tour aussi sur econophile.net, pourquoi pas. Bonne semaine, à samedi prochain.